compris qu'il n'y pourra jamais conquérir ou tuer. T'en as déjà un notifié ou de bonheur. Puisque l'Iran a aussi heureuse et que Oulé si merveilleuse, n'y voudrait pas cause à ou plus de tort. N'y peut pas quand m'y aima ou trop fort. Et toutes les promesses qu'une l'avait fait, toute bonne caresse, toute bonne baiser, salé sans cesse dans mon bonne pensée. Et lui va reste toujours gravé. Et même si ou va reste l'unique grand amour de ma vie, mi demande à ou de mettre un moins dans l'oubli. Quand on dit vous écoutez Réunion Première, il est 10h, France Info. Désolé d'avoir enfin les... À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Quand Hillary Clinton tousse, sa campagne se grippe, la candidate démocrate souffre d'une pneumonie qui relance la controverse sur son état de santé. Alstom, au cœur d'une réunion ce matin à l'Elysée, le gouvernement veut à tout prix éviter un nouveau Florange. Stan Wawrinka, roi de New York, le Suisse a mis Djoko KO et remporte l'US Open de tennis. À suivre aussi une rencontre avec des gens qui ont une drôle de passion. Ils imitent le brame du cerf, il y a même un championnat de France. Restez avec nous, vous n'allez pas être déçus. France Info. Et on commence donc avec la santé d'Hillary Clinton qui ressurgit dans la campagne présidentielle américaine. La candidate démocrate annule son déplacement prévu aujourd'hui et demain en Californie. Elle a fait un malaise hier lors des commémorations du 11 septembre à New York. Et voilà qui donne du grain à moudre à Donald Trump qui ne cesse de déclarer que sa rivale n'est pas apte à diriger le pays. D'autant que l'entourage d'Hillary Clinton a mis du temps à reconnaître qu'elle avait une pneumonie. À Washington, Frédéric Carbone. Les premiers symptômes de la maladie d'Hillary Clinton apparaissent publiquement il y a tout juste une semaine. Cette toux rauque insistante perturbe le meeting de lancement de la dernière ligne droite de la campagne. Et la candidate explique qu'il s'agit d'allergies et qu'elle espère en avoir fini dans les 48 heures. La toux persiste et dans son communiqué, son médecin personnel écrit que le diagnostic de pneumonie est porté vendredi après une série d'examens. Autrement dit, pas une allergie mais une infection pulmonaire. Hillary Clinton est alors mise sous antibiotiques et le malaise d'hier matin est provoqué par une déshydratation. Le bulletin médical apporte des explications, mais il intervient bien tard. Il a fallu 48 heures et cette vidéo où l'on voit la candidate chanceler pour que cette clarification soit fournie. Et juste après le malaise, l'équipe Clinton parlait encore de simples coups de chaleur. Il n'y a rien de plus personnel que la santé et une pneumonie est une maladie qui se soigne. Mais la gestion de cet épisode alimente les reproches faits à Hillary Clinton sur son goût du secret et sur l'absence de transparence. Washington, Frédéric Carbone, France Info. Une trêve doit entrer en vigueur cet après-midi en Syrie. La Russie et les États-Unis se sont mis d'accord pour un arrêt des combats. Mais un groupe rebelle annonce déjà qu'il ne respectera pas ce cessez-le-feu. Selon lui, ça ne ferait que renforcer le régime de Bachar el-Assad. En France, le gouvernement veut mettre la pression sur Alstom, qui a prévu d'arrêter la production de trains sur son site historique de Belfort. François Hollande convoque une réunion ce matin à l'Elysée avec Manuel Valls et les trois ministres concernés, l'économie, l'industrie et les transports. L'État qui est actionnaire à 20% veut absolument éviter que se renouvelle le scénario de la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Julie-Marie Lecomte. Belfort, nouveau symbole de renoncement et d'impuissance. Certainement pas, objecte un communicant de François Hollande qui ne recule pas devant l'acrobatie, vendre le coup dur comme une opportunité. Celle de démontrer qu'au contraire, l'État peut intervenir. Bien sûr, il n'est pas actionnaire majoritaire, mais il peut peser. C'est en tout cas ce que veut croire l'Élysée. Mettre la pression, mais dans quel but ? Imposer la discussion. Comme Manuel Valls, un proche du président de la République tempête, la décision est sortie du chapeau. D'un seul coup, personne ne s'y attendait. Il se plaint de l'accélération imposée par la direction. Elle n'a aucun sens, dit-il. Ce qui a choqué, c'est d'abord la brutalité, confesse un conseiller de l'Élysée qui reconnaît toutefois des difficultés sur le site et souligne qu'Alstom propose le transfert des salariés. Il s'accroche, on ne parle pas encore de destruction d'emplois français. De quoi relativiser sous couvert de l'anonymat le coût économique du dossier, mais pas son coût politique. Ce collaborateur redoute déjà l'instrumentalisation qui en sera faite et il soupire, elle a déjà commencé. Le budget de la culture va augmenter de 5% l'an prochain. La ministre Audrey Azoulay a donné le chiffre hier soir. La culture représentera 1,1% du budget de l'État. Des enseignants ont l'intention de manifester devant le ministère de l'Éducation nationale. Ce matin, rien à voir cette fois avec la réforme du collège. Il s'agit de professeurs du lycée Sugère de Saint-Denis. Ils sont en grève depuis mardi dernier. Depuis l'agression d'un surveillant, ils dénoncent le manque d'effectifs pour encadrer les élèves. Gaëlle Joly. Au lycée Sugère, les profs n'ont pas eu le temps de faire connaissance avec leur classe le jour de la rentrée. Ils se sont mis en grève après l'agression d'un de leurs surveillants. Ils ne sont que 9 pour 1300 élèves. Il en faudrait 6 de plus, estime Gatien Elie, les professeurs d'histoire-géographie à Sugère. Il sera ce matin rue de Grenelle. L'idée, c'est de remonter dans la hiérarchie, puisqu'on a été à l'inspection, on ne nous a pas donné de réponse. On a été au rectorat, on n'a même pas voulu nous recevoir. Bon, ben, on remonte les échelons du pouvoir et puis on verra bien si quelqu'un veut bien nous entendre pour leur dire qu'on a tout simplement besoin de moyens humains pour bosser dans des bonnes conditions et faire réussir les élèves. Des élèves de BTS ont également du voyage, comme Antonin, qui réclame plus de sécurité dans son lycée. Là, clairement, on perd des heures de cours, c'est très embêtant, et surtout quand on vient de rentrer, bah là, j'ai pas fait beaucoup d'heures de cours, hein, j'ai fait genre une journée de cours, mais nous, on a envie de pouvoir passer 2 ans à travailler et à vraiment se concentrer sur le travail et pas se concentrer sur la vie au lycée. Du coup, si ces problèmes-là sont résolus dès le début, on pourra passer une bonne année après. Voilà. Les profs et les élèves se disent déterminés. Ils sont prêts à reconduire la grève sans réponse du gouvernement. Dans l'enquête sur la tentative d'attentat à la voiture piégée près de Notre-Dame de Paris, 4 femmes et 1 homme sont toujours en garde à vue. Ils devraient être présentés dans la soirée à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Une de leurs complices présumées fait déjà l'objet de poursuites et a été incarcérée. Je n'ai rien à dire aux officiels. Je préfère parler du bonheur. Déclaration du Dalaï Lama qui entame aujourd'hui une visite d'une semaine en France. Visite exclusivement spirituelle avec des conférences à Paris et Strasbourg. Le chef religieux des Tibétains ne sera reçu ni par le chef de l'État ni par un membre du gouvernement pour ne pas fâcher la Chine. Allez, un nouveau tournoi du Grand Chelem dans la poche de Stan Wawrinka. Le Suisse a remporté cette nuit l'US Open de tennis. Il a battu le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 4-7. C'est son 3e tournoi majeur après Melbourne et Roland-Garros. Jérôme Val. Stan Wawrinka est décidément un homme de finale. 3 finales de Grand Chelem, 3 titres, 11 finales d'affilée, tout tournoi confondu, toutes remportées. Hier, dans un central new-yorkais intenable, la 2e balle de match aurait été la bonne pour Wawrinka, qui a su faire plier un Djokovic sans doute plus atteint physiquement qu'on ne l'a dit sur cette fin de saison, et en plus gêné par une ampoule à un orteil. Dans un match de près de 4 heures, le Suisse n'a cédé que très rarement, même mené 5-2 dans la première manche. Il s'est maintenu à flot pour revenir et ne s'incliner qu'au tie-break. Les 3-7 suivants ont été à son avantage grâce encore à son revers diaboliquement précis et efficace. Stan the Man est désormais l'homme qui fait tomber Djoko, le Serbe une nouvelle fois empêché d'enfiler les records. À 31 ans et 5 mois, Wawrinka devient le vainqueur de l'US Open le plus âgé depuis 1970 et la victoire de Ken Rosewall. Surtout, le Suisse ajoute une ligne de plus à son CV, la plus belle de toutes, a-t-il dit hier soir. La Coupe Davis, Melbourne, Roland-Garros et maintenant New York. Il a presque tout gagné, il ne lui reste plus qu'à viser Wimbledon. New York, Jérôme Val, France Info. Mario Balotelli n'a pas raté son baptême niçois. La nouvelle recrue de l'OGC Nice a marqué 2 buts hier soir contre Marseille. Et au final, son club l'emporte 3-2. Nice s'empare de la 2e place de la Ligue 1 à égalité de points avec Monaco. L'OM glisse à la 14e place. Une compétition plus insolite maintenant, le championnat de France d'imitation du brame du cerf. Il avait lieu hier au parc animalier de Sainte-Croix à Rode en Moselle. Un spectacle étonnant pour les oreilles. Ulysse Calif. Pour imiter le brame, l'apprentissage se fait en forêt pour reconnaître les différents langages. Wolfgang Rieck est le vice-champion de France d'imitation de brame du cerf. Il y a le jeune cerf qui cherche des biches et qui cherche surtout à ce qu'on lui réponde. Ensuite, il y a le cerf de place, celui qui a une harde. Il est 10h08 sur la première. Bonjour à tous. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les matinées se suivent et se ressemblent depuis quelques jours. Le beau temps qui persiste depuis quelques jours. Et puis un temps qui sera beau aujourd'hui pour ce lundi 12 septembre. En revanche, dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les hauteurs de Saint-Denis, la Bretagne, Saint-François, le Brûlé, la montagne. Il fera très froid dans la nuit de lundi à mardi. L'hiver austral persiste et signe. Quel est le temps qu'il fait ce matin sur les MAC, sur les hauteurs de Saint-Lô? Jimmy est avec nous. Bonjour Jimmy. Bonjour Claude. Au Mac, ça va. Donc il y a quelques nuages, mais le soleil est présent. Il fait 19 degrés. 19 ce matin. Alors vous avez entendu hein, les prévisionnistes de Météo France qui prévoient une nuit plutôt froide. Nous, ça va pas trop changer parce qu'en ce moment, la température est toujours froide. Ou un petit peu moins avant. On est entre 12 et 13 degrés. Bon, ça va mieux. Mais bon, ça va. Chauffez-vous, surtout. Jimmy. Voilà. Bonne journée avec la première. Merci, vous aussi. Météo vous est présenté par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Hier, dans la quatrième pour le prix Grand Handicap des Hauts de France, il fallait trouver le 5, le 16, l'As, le 6 et le 3. Le 5, 16, As, 6 et le 3. Aujourd'hui, dans la première course pour le prix des honnêtes, et pour un montant de 5 050 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 7, le 11, le 6, 5, le 8, l'As, le 4, le 13, en non partant, le 9, 7, 11, 6, 5, 8, As, 4, 13, non partant, le 9. La date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu est fixée au 15 septembre. Vous souhaitez en savoir plus? Merci de composer le 02 62 99 2000. Votre émission de service sur la première jusqu'à 11h30. Les experts, nous profiterons de l'occasion pour se pencher aussi sur les différents modes de paiement. Quelles sont les démarches à faire pour payer par prélèvement à l'échéance? Est-ce qu'il est encore possible de corriger la déclaration en ligne 2016? Et puis comment se fait une réclamation en ligne. Les experts vous écoutent et répondent à toutes les questions. Vous pouvez aussi nous en laisser par SMS au 06 92 70 2000. Ma Périne sur la première. Midi, les experts avec Claude Montagné. Un matin par un détour, je rencontre mon ami Marcel. A dit à moi mon premier amour, à tout le monde a dit mon nouvelle. Me l'a dit, ça c'est l'histoire ancienne. Faut qu'il retourne derrière, les souvenirs y ramènent les belles. Un côté l'ombre, l'autre la lumière. Elle ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi n'a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la vie un choix de vie. Tout pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. J'allais ici moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la vie un choix de vie. Tout pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. Est devenu, non, n'y vais pas savoir. C'est le cadet de mes soucis. Un matin dans l'arrosoir. Si tu vois mon ami cou, il fait l'aller et j'y au collet. Allez, Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice m'est faite. Viens ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi elle a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, tout pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul, moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, tout pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi n'a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie. Moi pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. J'allais ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi n'a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie. Moi pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel, avec mon maternel. Ma Périne, sur la première, l'amour maternel. Place aux experts des finances publiques sur Réunion Première. Profitez de leur présence pour réagir sur l'impôt sur le revenu, sur les différents modes de paiement et puis de manière générale en fait sur les impôts. Si vous souhaitez en savoir plus sur la taxe foncière et la taxe d'habitation, on peut aussi donc répondre à toutes les questions. 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche d'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni du lundi au jeudi dès 12h15 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Nos experts, que nous les accueillons, s'il vous plaît, sur la première, Alizée Ouarot, Raphaël Chanly-Michin-Joie, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être présent en ce lundi 12 septembre pour répondre aux questions de nos auditeurs sur la première, au 02 62 99 2000. Allez, on va commencer par cette date de limite, Alizée Ouarot, pour le paiement de l'impôt sur le revenu, qui est fixée au 15 septembre. Voilà, la date limite est fixée au 15 septembre. Et sur Internet, vous avez un délai supplémentaire de 5 jours. Donc, ça vous ramène au 20 septembre. Et ce sera prélevé 10 jours après sur votre compte. Très bien. Donc, Raphaël Chanly-Michin-Joie, si on a dépassé, si les auditeurs ne sont pas, en fait, n'ont pas pensé à cette date du 15 septembre, s'ils paient après le 15 septembre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il y aura la majoration qui sera établie un peu plus tard. Mais effectivement, s'ils n'ont pas payé au 15 septembre, il faudra qu'ils viennent nous contacter pour effectuer un règlement, soit en ligne, puisque ce sera quand même encore ouvert, ou directement au guichet. Alors, on est un peu habitué, ça y est, les contribuables avec les paiements en ligne, les Ouarot, ça se oui, fait de plus en plus. Oui, ça se fait de plus en plus. En plus, plus ça va aller, plus on sera obligé de payer sur Internet. Oui. Donc, autant s'habituer dès maintenant, avant que ça devienne une obligation simple et pur, quoi. Le paiement pour la date limite, donc pour le paiement de l'impôt sur le revenu est fixé au 15 septembre. Vous avez la parole sur la première, 02 62 99 2000. Profitez évidemment de la présence de nos experts des finances publiques. Jeanne de Sainte-Suzanne est avec nous. Jeanne, bonjour. Non, c'est Jeannot. Ah, c'est Jeannot, oui, pardon, excusez-moi, Jeannot, excusez-moi. Vous allez bien? Oui, ça va, on répond bien, Jeannick, mais quand même pour les intimes, c'est Jeannot. D'accord, très bien. Voilà. Vous souhaitez en savoir plus, notamment, alors tenez, oui, c'était pas prévu, mais vous allez poser la question, c'est... Le prélèvement à la source, comment va se passer? Parce que vu que mon ami travaille, madame travaille, mais il commence à gagner un petit peu ça. Non, alors la question, vous savez quoi, Jeannot, on va la garder, parce qu'en fait, il n'est pas prévu qu'on parle du prélèvement à la source. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça, mais on fera une émission vraiment donc avec d'autres experts sur ce prélèvement à la source. Mais les experts qui sont avec nous des finances publiques aujourd'hui, c'est particulièrement sur cette date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu et aussi sur les différents modes de paiement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une question notamment sur ces deux sujets? Oui, on va revenir dessus. En fait, m'avait téléphoné aussi il y a peut-être un mois de cela, justement. Oui. Comment ça se fait que quand il arrive pour prélever direct, même pas prélever, quand il y a un problème pour payer les impôts, il prend tout de suite. Et quand il arrive pour rembourser, il prend le temps pour rembourser. Sur le remboursement, oui, Raphaël, voilà. Chanly-Michin-Joie, pour répondre à Jeannot de Sainte-Suzanne. Alors, sur le remboursement, il y a pas mal de traitements informatiques, donc ce qui explique que le délai soit un peu plus long. Après, pour les prélèvements, c'est déjà prévu en amont, puisque si vous êtes mensualisé, par exemple, c'est prévu tous les 15 du mois, mais le contrat a été effectué au moins un an à l'avance. Ouais. Non, c'est juste ça, parce qu'on a eu le chèque, justement. On a eu, comme là, 2 mois de cela, on avait justement ce problème-là. On a eu le chèque, juste 5 jours. Oui. Donc, voilà, parce que mes clients bossaient, mais bon, moi, c'est pas ça le problème, c'est que si on paye prélève, moi, seulement. Oui. Et après, quand on met un truc dans notre compte, on est mal barré, quoi. Donc, obligé, ou même de forcer un peu sur le travail, pour gagner un peu plus, pour rebousser ce trou-là, et en attendant le chèque qui arrive. Sachant qu'en fait, l'année, il faut redonner un autre chèque. Mais alors, Jeannot, vous allez régler vos impôts, directement sur place, par chèque, vous faites le paiement en ligne, comment ça se passe? Paiement en ligne. Ça fait longtemps que vous avez opté pour ce système? Mais tout le système le plus facile, quoi. Un peu qu'on a un problème en ligne, obligé d'aller sur place. Et quand on arrive sur place, c'est le problème total, quoi, parce que l'attente est difficile, ils balancent vous d'un bureau à l'autre. Quand on arrive devant la personne n'est pas bien renseignée. Excusez-moi, mais c'est pas n'intéresse juste personne. La personne soit elle est bien renseignée ou sinon ça, l'île ne connaît pas, donc tu prends renseignement avec toi. Oui, d'accord, mais bon, mais c'est question que l'adhésion il dépasse, il prend du transport en commun ou déplacement et arrive là-bas, c'est long, quoi. Donc, c'est à revoir à ce niveau-là. Après, dans l'ensemble du reste, bon, ouais, s'il prélève, il prélève, hein, comme tu veux dire. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est noté, donc on en tient compte surtout. C'est ça qui est très important. D'accord ? Okay, merci beaucoup. Et merci, vous êtes, mais on ne vous a pas oublié, comme on n'a pas oublié personne non plus sur le prélèvement à la source, il est prévu, on en parlera. C'est un gros problème, ne sachant pas comment justement va se passer. Dans le sens que les deux personnes travaillent. Bien sûr, mais ce sera prévu dans une autre émission. Merci à vous, Jeannot. À très bientôt sur la première. Merci. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Nous sommes sur Saint-Philippe, Marie-France, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-France. Alors, votre question s'il vous plaît. Voilà, j'aimerais faire modifier au niveau de mes papiers d'impôt. Oui. Bon, une démarche il faut faire parce que j'étais en concubinage. Oui. Je ne le suis plus, mais au niveau administratif, c'est toujours sur ma feuille d'impôt. Alors, comment se fait la modification et donc, si la situation familiale a changé, Marie-France, voilà, c'est ça ? Voilà. D'accord. Alors, c'est récent ? Non, justement, je ne savais pas qu'il fallait faire ces modifications. Et là, administrativement, comme ma fille rentre à l'université, au niveau de la bourse, ça pose un problème. Et sur la déclaration de cette année, alors vous avez rempli, vous souhaitez modifier ce que vous avez mis sur le document, c'est ça ? Voilà, c'est le concubinage, il faudrait Le concubinage. Voilà, que ça me pose des problèmes administrativement pour ces démarches, pour ma fille, pour l'université. Élisée Ouarot pour répondre à Marie-France. Oui, bonjour madame. Bonjour. On parle bien de concubinage ? Oui, on était en concubinage, oui. Et c'était sur votre déclaration de revenus ? Oui. Parce qu'il faut savoir que les impôts, nous ne prenons pas en compte le concubinage. C'est soit il faut être marié, soit c'est vous êtes célibataire. Voilà. Ou paxé, c'est ça ? Ou paxé, enfin, ou ouais. Célibataire. Ou célibataire. Le fait, c'est que quand j'ai fait ma demande de bourse, il y a un petit C en bas de ma fiche d'impôt. Et au niveau des impôts, on me demande toujours les papiers de monsieur, alors qu'on n'est plus ensemble depuis des années, et ils me disent qu'il faut faire modifier. Mais comment faire modifier ? C'est ça. Le C, ça ne veut pas dire concubinage. Ben, eux, ils m'ont dit ça. Non. Le C ne veut pas dire concubinage au niveau des impôts, hein, sur votre feuille. Oui. Donc, vous pouvez aller les revoir et dire que votre papier, c'est bon, c'est bien fait. Voilà, parce que moi, comme on est séparés, j'ai même su aller voir le monsieur pour lui demander ses papiers. Oui. Alors que, il n'y a pas besoin de ses papiers, c'est moi qui suis tutrice légale depuis des années de ma fille. Voilà, avec votre avis d'imposition, il y a le nombre de parts et ça correspond à votre situation. D'accord. Voilà. Donc là, pour la modification, donc c'est... Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, voilà. Ça vous rassure, Marie-France ? Oui, ça me rassure, mais les papiers retournent le dossier à chaque fois en me disant il manque des pièces. Non, alors ça c'est plutôt embêtant si on retourne à chaque fois le document. Vous le faites en ligne, votre déclaration ? Non, là, j'ai fait par courrier. Vous l'avez fait par courrier ? Oui. D'accord. Ouais. Sinon, il faudrait vous déplacer directement, aller voir la personne qui s'occupe de votre dossier au niveau de la bourse et leur demander exactement quel est le problème. Justement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Elle a regardé le papier, elle m'a dit le petit C, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre au foyer, il faut déclarer les revenus de monsieur. Non, ça ne veut rien. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec Marie-France, l'appeler, lui donner vraiment tous les éléments d'information. Ouais. Marie-France, on a vos coordonnées, donc soyez rassurés, on vous appellera. Très bien. Merci. Allez, au revoir. Merci. Nous irons tout à l'heure retrouver Jean de Saint-Joseph. Vous continuez à réagir au standard de la première, au 02 62 99 2000. Les experts des finances publiques sont avec nous, Élisée Ouarot et Raphaël Chanim-Changeois. Que Roméo est perdu, qu'il mérite bien la lame de ceux qui vendent leur âme. On dit dans la rue que le fils des Montaigu a trahi ses parents, déshonoré son rang. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. Sa vertu, tu as perdu la tienne et réveillé la haine. On dit dans la rue que pour toi y a plus d'issue, que pour sauver ton honneur, il faut quitter cette fleur. Mais toi qui vis comme un ange, toi que rien ne dérange, tu crois que tout s'arrange, mais la vie un jour se venge. T'avais pas le droit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'avais pas le droit. Me punir pour m'affranchir. T'avais pas le droit. Vous qui savez tout de moi. Il est encore possible de corriger la déclaration en ligne 2016. Comment se fait une réclamation en ligne? Et puis, si vous souhaitez réagir sur le paiement de l'impôt sur le revenu, je rappelle que la date limite est fixée au 15 septembre. Et puis, on profitera dans un instant aussi de l'occasion et aussi de la présence de nos experts pour se pencher sur les différents modes de paiement. 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes de Saint-Joseph, Jean. Oui, c'est ça, oui. D'accord, vous avez du beau temps ce matin? Bah, quand j'ai quitté ce matin, il faisait beau, mais bon, je suis sur Saint-Pierre toute la journée, donc... Bon, vous êtes quelqu'un du Sud, vous? Je suis quelqu'un du Sud, oui, tout à fait. C'est beau le Sud, hein, c'est beau. Ah, bon, c'est très beau. Alors, vous avez une question très importante à poser aux experts des finances publiques qui sont avec nous, Alizé Ouarot et Raphaël Chanim-Chinchois. Allez-y, bonjour. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais un renseignement. Je suis divorcé et j'ai l'impôt sur le revenu, enfin les impôts en général sur le revenu foncier et habitation qui sont prélevés sur mon compte. Comment le faire pour enlever ça? Puisque c'est madame qui bénéficie du bien, donc c'est elle qui devrait théoriquement habiter dans la maison, notamment concernant la taxe foncière, la taxe d'habitation. Non, oui. Et concernant l'impôt sur le revenu, comme on avait une déclaration commune, comment faire pour arrêter ça? Vous êtes divorcé depuis? Depuis là, une semaine. Depuis une semaine, donc c'est récent? C'est très récent. C'est récent. Et comment se fait la modification et quelles sont les démarches à faire? Question très importante posée par Jean de Saint-Joseph. Raphaël Chanim-Chinchois. Alors, si vous êtes mensualisé, effectivement, il va falloir contacter le centre prélèvement service. Sinon, vous pouvez également nous envoyer un petit mail pour nous signaler votre changement de situation et nous préciser justement sur quel RIB vous voulez que les prélèvements soient effectués. D'accord. Donc à ce niveau-là, après pour l'impôt sur le revenu, effectivement pour cette année, si vous êtes divorcé il y a qu'une semaine, donc effectivement pour cette année vous êtes encore en imposition commune. Ouais, effectivement, oui. Donc du coup cette année le souci se pose pas, ça va être pour l'année prochaine. Ça va être pour 2017. C'est voilà ça pour 2017 où il va falloir commencer à prévoir le changement de RIB. Oui, sachant que 2017 les 9 premiers mois de l'année, je suis toujours en déclaration commune. Non, pour 2017, parce qu'en fait, Alizé, corrige-moi si je me trompe, mais normalement, quand vous divorcez, vous êtes célibataire toute l'année ou en déclaration commune toute l'année? Oui, ça a changé à ce niveau-là, au niveau des impôts. Hein. On ne fait plus 3 déclarations comme auparavant, on prend la situation pour toute l'année. Donc vous serez considéré divorcé pour toute l'année 2016. D'accord, donc à partir du 1er janvier 2018, ce sera une déclaration... 1er janvier 2017. 1er janvier 2017. Oui, effectivement, oui. Voilà. D'accord. Ok d'accord. Donc, je peux m'approcher de vos services dans un centre d'impôts. Voilà, enfin, le mieux, c'est de nous envoyer un petit mail, comme ça, vous avez déjà une trace écrite, et ça vous évite de vous déplacer. Ok, d'accord. C'est bon, Jean? Ok, bien, je vous remercie. Merci à vous, merci. À très bientôt. Vous faites la déclaration en ligne ou pas? Déclaration en ligne, oui. Déclaration en ligne, c'est depuis un moment, ou alors c'est récent? Depuis le début que ça a été mis en place, oui. D'accord, vous trouvez que c'est mieux, ça vous arrange? Ça m'arrange, parce que bon, étant donné que la journée, je ne peux pas m'absenter de mon domaine professionnel. D'accord, oui. D'accord. Mais ça me laisse, on est un peu comme tout le monde. On traîne, et au dernier moment, on est un peu surpris par le temps. Alors, concernant la date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu, vous êtes au courant, c'est le 15 septembre. Oui, mais comme je suis au vous prélèvement. Êtes... D'accord, donc ça va pour vous. Merci Jean. C'est tous les mois pareil. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, alors, un mot sur les différents modes de paiement, Alizée Waro. Ligne, vous avez 3 solutions pour payer en ligne. Donc, il y a le prélèvement à l'échéance, le prélèvement mensuel et le paiement direct. Donc, les avantages, il y a plusieurs avantages. C'est que le prélèvement, déjà, il intervient sur votre compte 10 jours après la date limite de paiement. C'est ça. Oui. Le délai pour rejet de 5 jours, donc là, c'est le 15 à date limite. Vous avez jusqu'au 20. D'accord. Et au moins, vous êtes sûr aussi qu'on reçoit votre paiement et qu'au moins, vous n'êtes pas majoré. Vous avez le justificatif de paiement, justement, donc ça vous prouve que vous avez effectué votre paiement. Le standard de la première au 02 62 99 2000 pour poser toutes les questions aux experts des finances publiques. C'est Gérard de la Montagne qui est avec nous. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Petite question très simple. Oui, Gérard. En cas d'une séparation non officielle, est-ce qu'on peut faire une déclaration d'impôt séparée pour les deux parties? En cas d'une séparation non officielle? Une séparation physique. Une séparation physique. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez tout à fait faire une séparation, on va dire, au niveau des impôts, du moment que chacun d'entre vous, vous mettez bien séparé. Qu'il n'y en a pas un qui fasse une commune et l'autre qui fasse séparé. Chacun fait sa déclaration. Voilà, chacun. Et vous habitez plus sous le même toit? Non. Donc c'est bon. Vous pouvez chacun faire votre propre déclaration en cochant séparé. Les ont dit, Radio Trottoir, La Réunion, ça fonctionne. J'ai persuadé du contraire, et là, vous me certifiez. Pourquoi on vous a raconté autre chose? Mais mon ami, tu sais bien qu'à La Réunion, il y a Radio Trottoir, Radio Commérage et tout le reste. Même moi, des fois, je deviens naïf et je crois encore à tout ça. D'accord. Parce que Adam vient de me dire. C'est bon, il ne faut pas trop écouter les radios commérages. Je vais mettre de l'eau dans mon vin chez Armontané. J'écoute pas trop les commérages, mais ce coup-là, comme c'est assez technique, administratif, peut-être qu'il y avait du vrai. Mais en fait, c'était du vent. Ouais. Donc, vous êtes satisfait de la réponse? Je suis entièrement satisfait de ma réponse et je dirais même que Réunion Première, les impôts remontent d'un cran dans mon estime. Vous savez, l'émission, elle est là pour ça aussi. Les experts se déplacent tous les jours pour répondre aux questions précises et vous donner surtout les bonnes infos et non pas être complètement à côté de la plaque. J'en étais intimement convaincu, j'écoute Réunion Première tous les jours. C'est l'émission que tu fais, comme on se connaît déjà, te tutoyer. C'est des émissions qui sont formidables et on aurait dû faire ça depuis des décennies, mais on ne peut pas tout faire en un temps restreint. Et c'est tout à votre honneur. Merci à vous. Et alors, juste un petit mot, la déclaration, c'est en ligne pour vous ou pas? Non, c'est encore papier, parce que bon, la retraite récemment, je ne suis pas encore équipé de technologie que j'avais au bureau, voilà, pour tout vous dire. Donc, alors, vous êtes encore avec la déclaration papier? Papier, mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais coché, donc, séparation non officielle, et j'ai reçu un document des impôts, là, avant le 15 septembre, et il figure que mon salaire, pas celui de madame, donc c'était pris en compte déjà. Bon, bon, écoutez... J'étais un peu dans le doute, voilà, j'avais une certification papier, et je voulais avoir, mais c'est bizarre, c'était fait assez rapidement. Et vous allez, Gérard, passer un jour à la déclaration en ligne ou pas? Oui, ben bien sûr. Je ne dirais pas contre et forcé, mais c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus fiable, et tout le monde gagne du temps. Bah, tant mieux. Le seul truc qu'il y a, c'est que bon, c'est la même remarque que tout le monde vous a fait déjà, je rabâche, c'est que ça diminue le nombre de fonctionnaires et de salariés dans une entreprise, c'est tout. C'est le mauvais côté de la chose, mais on ne peut pas non plus y vivre et passer à côté. Gérard, merci beaucoup pour la réaction. Soyez fidèle à toute la radio et puis à toute l'équipe. Merci à vous, à très bientôt. Je le suis, excusez-moi d'avoir été un peu long. À très bientôt. Les démarches à faire pour payer par prélèvement à l'échéance, est-ce qu'il est encore possible de corriger la déclaration en ligne 2016? Vous réagissez aussi sur le paiement de l'impôt sur le revenu. La date limite est fixée au 15 septembre, mais si vous faites en ligne, donc vous avez jusqu'au 20 septembre. 02 62 99 2000 pour toutes les questions et puis par SMS au 06 92 70 2000. Avec nous, les experts des finances publiques, Élisée Waro et Raphaël Chanim-Chinjoua sur la première. Jusqu'à 11h30 sur la première, les experts des finances publiques qui répondent à toutes les questions. Vous composez le 02 62 99 2000 et puis par SMS pour les questions 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alizé Waro et Raphaël Chanim Chanjouet qui sont avec nous. Alors s'il vous plaît, est-ce que c'est encore possible de corriger la déclaration en ligne 2016 si on s'est aperçu de quelques petites erreurs? Alizé Waro et Raphaël Chanim Chanjouet. Oui, vous pouvez corriger encore votre déclaration en ligne. Uniquement ceux qui ont fait la déclaration en ligne. Seulement, oui. Oui. On est d'accord, oui. Donc le service a été ouvert depuis le 2 août et c'est ouvert jusqu'au 30 novembre. Le 30 novembre, ça c'est la date limite si on souhaite apporter, rectifier des petites choses comme ça qu'on a... Voilà, si vous souhaitez rectifier vous-même sur Internet directement. Sinon, il faudra faire une réclamation au niveau du centre des impôts en papier ou par mail. Avant d'accueillir Roselyne au téléphone, et puis alors, concernant la mensualisation pour l'année prochaine, pour 2017, est-ce que c'est le bon moment ou pas, Raphaël Chanim Chanjouet, si on souhaite oui, effectivement, que ce soit mensualisé? Effectivement, là, dès à présent, vous pouvez faire votre demande de mensualisation auprès du centre prélèvement service. Ou vous pouvez envoyer un mail à votre centre des impôts qui transmettra la demande et ou qui s'en occupera pour effectuer la mensualisation pour 2017. Très bien. Alors, je sais que les gens se déplacent encore, évidemment, donc parce qu'ils aiment bien aussi le contact avec les gens des impôts, les agents des impôts. Donc, sur la mensualisation, vous avez besoin de quoi comme pièces, les démarches surtout? Alors, pour la mensualisation, il nous faut un RIB, absolument. Donc pour le relevé d'identité bancaire, tout très à bien. Fait. Ouais. Il nous faut la copie du dernier avis d'imposition. Oui. Donc pour récupérer les références et la base de calcul. Et ça va être simplement ces deux éléments-là qui vont être déterminants pour le calcul des mensualités. Alors c'est valable pour l'impôt sur le revenu, pour la taxe d'habitation, la taxe foncière. Tout à fait. Donc pour ces trois impôts, vous pouvez faire la mensualisation dès à présent. Le standard de la première avec Roselyne du Sud. Bonjour Roselyne. Bonjour Claude, bonjour aux employés des impôts. Merci bonjour. D'être avec nous Roselyne. Et votre question s'il vous plaît? Alors ma question, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, est-ce que si mon impôt sur le revenu baisse, est-ce que ma taxe d'habitation va baisser un peu aussi? Est-ce que si votre impôt sur le revenu baisse, la taxe d'habitation elle va baisser? Ou bien le contraire? D'accord. Oui, Raphaël voilà. Chanim Chanjouet. Alors effectivement, il y a un lien entre ces deux éléments, puisque en fonction de vos revenus, votre revenu fiscal de référence, vous avez droit à un plafonnement sur la taxe d'habitation. Donc s'il diminue, le plafonnement peut augmenter. Oui, d'accord. Et par contre, s'il augmente, justement, le plafonnement peut diminuer. D'accord, donc il y a un rapport entre les deux alors? Tout à fait. D'accord, ben, je vous remercie. Vous n'étiez pas au courant de ce petit... non de cette petite, non, il me semble qu'on m'avait dit ça, mais je n'étais pas sûre, donc je demande. Donc il y a un rapport entre la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu. Tout à fait. D'accord. Et vous faites la déclaration en ligne? Ah non. J'ai peur d'Internet, je ne sais pas, enfin je ne suis pas à l'aise avec Internet. Alors, vous n'êtes pas la seule à émettre des inquiétudes notamment, mais alors pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous embête? Ben, je ne suis pas à l'aise avec Internet. Vous n'êtes pas à l'aise? J'ai peur, donc quand ce sera vraiment obligatoire, l'année prochaine je pense, il faudra que je me fasse aider. Alors, juste pour rassurer les auditeurs et les auditrices de Réunion Première, la déclaration en ligne, Raphaël Chanim Chanjouet, pour rassurer les personnes qui ont des doutes. Qui ont des doutes, effectivement. Oui. Vous pouvez. Parce que tout ça, c'est sécurisé, Roselyne, hein? Oui, mais moi, je n'arrive pas encore trop à manipuler ça, moi. C'est plutôt dans le côté pratique. Oui. Mais côté pratique, si vous venez au centre des impôts, on vous aide également à créer votre compte en ligne. Oui. Et on vous guide aussi pour effectuer votre déclaration en ligne. D'accord, mais jusqu'à quand ils vont aider pendant combien d'années? Cette année, c'était déjà en place, donc ça va être reconduit certainement l'année prochaine, donc il n'y a aucun souci, puisque effectivement, la déclaration en ligne, les seuils vont, si vous voulez, enfin là, moi je parle plutôt sur le paiement, puisque le paiement, effectivement, vous serez obligé de payer en ligne dès lors que votre imposition est supérieure à 10 000 euros pour cette année. Oui. Donc l'année prochaine, le seuil va diminuer, il va passer à 2 000. Et l'année qui suit, à 1000. Et en 2019, ce sera à 300. Donc effectivement, on sera amené à utiliser le compte fiscal et les paiements, enfin, tout ce qui est dématérialisé de plus en plus. Oui. Et s'il vous plaît, rappelez-moi, donc, qu'est-ce qui change pour la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu là? Qu'est-ce qui augmente? Alors, prenez quelque chose pour noter, Roselyne, s'il vous plaît. Notez, voilà, vous avez un stylo, une feuille de papier, oui. C'est en fonction du revenu fiscal de référence. Revenu fiscal de référence.

parle jusqu'à 11h30 sur Réunion Première de vos impôts avec nos experts des finances publiques. Les questions, les réactions au standard de la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Avec nous, Alizé Waro et Raphaël Chamnim-Chingeois. On l'a entendu tout à l'heure avec Roselyne qui avait un petit peu de crainte à faire sa déclaration en ligne, soit parce qu'elle ne sait pas trop manipuler en fait l'ordinateur. Ça peut arriver, bien sûr. Alors, comment faire, Raphaël Chamnim-Chingeois? Effectivement, vous avez plusieurs possibilités. On a un partenariat avec les mairies, les CCAS, les Cybercas. On les forme justement à appréhender un peu le système en ligne. D'accord. Donc, ouais. Si les gens ont un peu de crainte, ils peuvent aller soit chez eux, soit chez nous. On sera là à même à les renseigner, à les guider pour effectuer justement ces démarches en ligne. Après, on peut se faire aider aussi par les enfants de la famille, ça j'insiste aussi. Hein, donc, tous les enfants savent manipuler un ordinateur, etc. Donc, on peut se faire aider. Ah voilà. Oui, il n'y a aucun souci. Donc, dès que vous avez une personne qui est susceptible de vous aider, il n'y a aucun souci pour aller faire ces démarches en ligne. Ce compte est facile à créer? Oui, il n'est pas compliqué, parce qu'après, il faut un numéro, il faut un code, et c'est ça? Voilà, il y a trois identifiants. Trois identifiants. Où c'est qu'on peut les trouver, ces identifiants? Alors, ces identifiants, vous l'avez sur... il y a le numéro fiscal, donc qui est sur tous vos documents. Oui. Le numéro de télédéclarant qui se trouve sur la dernière déclaration. Donc, la première chose, c'est le numéro fiscal, c'est ça? Ensuite, le numéro de télédéclarant qui se trouve sur la déclaration de revenus, la dernière. D'accord. Et le revenu fiscal de référence qui se trouve sur le dernier avis d'imposition. Et le mot de passe, ça c'est à nous de le créer. Voilà, donc d'accord. Ces trois éléments-là vont vous permettre d'accéder au compte et ensuite créer un mot de passe à partir de ces éléments. Les gens se déplacent encore, vous recevez notamment, si on peut rappeler, les horaires d'ouverture des centres des impôts. Alors, le centre des finances publiques est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et le vendredi de 7h30 à 11h30. Voilà, donc pour éviter peut-être de créer des... que les gens se déplacent l'après-midi surtout pour et retrouver le centre des finances publiques fermé. Donc effectivement, on est ouvert le matin. Alors, il y a Anne Duport qui dit « Je suis veuve et je paie la taxe d'habitation et audiovisuelle. Est-ce que c'est normal ?» Merci de me répondre. Alizé Waro, Raphaël Chamnim-Chingeois. Elle est veuve, hein, donc elle parle de sa situation actuelle et elle paie la taxe d'habitation et l'audiovisuel. Alors tout dépend des revenus qu'elle a, tout dépend aussi de qui habite avec elle dans le logement. C'est pas parce qu'on est veuve qu'on ne paye plus de taxe d'habitation. Voilà. Ça c'est clair. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure de l'auditrice qui demandait par rapport à son impôt sur le revenu, est-ce que la taxe d'habitation évolue ou pas? Donc c'est le même principe en fait. Il y a une condition de personne et une condition aussi de revenus. Donc les revenus sont pris en compte pour déterminer la base de calcul de la taxe d'habitation et par rapport au plafonnement. C'était un plafonnement, donc plus ça monte, moins il y a de plafonnement. Oui, une fois que le plafonnement est atteint, donc la taxe sera à son maximum et n'évoluera plus. Ouais. Alors la question qui revient très souvent aussi par SMS, c'est est-ce que vous avez les dates, notamment pour la taxe foncière et la taxe d'habitation? Vous le savez déjà ou pas? Oui, on le sait déjà. Vous le savez. Tous les ans, les rôles généraux sont aux mêmes dates. Oui. Donc voilà, donc l'impôt sur le revenu, c'est à payer au 15 septembre. D'abord, c'est la taxe foncière. Après l'impôt sur le revenu, c'est la taxe foncière. Taxe foncière au 15 octobre. Elle est fixée au 15 octobre, voilà. Et la taxe d'habitation au 15 novembre. Très bien. Donc c'est une par mois. 15 septembre pour l'impôt sur le revenu, la date limite. 15 octobre pour la taxe foncière et le 15 novembre pour la taxe d'habitation et redevance audiovisuelle. Tout à fait. 02 62 99 2000 pour toutes les questions évidemment à nos experts des finances publiques sur la première. Continuez de réagir par SMS au 06 92 70 2000. You were the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Was it all in my Dans 3 minutes, l'info avec Antoine Garnier sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Nadia qui nous dit au 06 92 70 2000, devrait-on payer la taxe d'habitation même si on n'est pas imposable? Pour répondre à votre question, donc Nadia, c'est Raphaël Chanim Chargeois. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu les questions de tout à l'heure. Donc la taxe d'habitation, si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, ça n'implique pas forcément que vous ne payez pas de taxe d'habitation. Ça va être il y a plusieurs conditions. Il y a la condition de revenu, comme on a dit tout à l'heure, en fonction du revenu fiscal de référence qui sera indiqué sur votre avis. Et il y a des conditions de cohabitation, c'est-à-dire que si vous ne vivez pas seul dans votre logement, on prend en compte aussi les revenus des autres habitants qui sont dans le local. Oui, d'accord. Donc, et c'est en fonction de tous les revenus qu'on établit la taxe d'habitation. Donc, ne pas payer d'impôt sur le revenu n'implique pas forcément ne pas payer de taxe d'habitation. Ouais, ouais. On espère avoir répondu à votre question, Nadia. Est-ce que c'est possible de faire une réclamation en ligne aussi? Ça, c'est le genre de question que nous avons par SMS. Tout à fait. Vous avez deux moyens, deux vecteurs, en fait, pour faire vos réclamations. Vous avez sur votre compte fiscal, vous pouvez accéder directement après, vous êtes connecté en fonction de votre numéro fiscal et votre mot de passe. Et sur votre compte fiscal, vous faites votre réclamation. Sinon, vous avez l'adresse mail qui est indiquée sur vos avis d'imposition, où vous pouvez adresser votre réclamation dans la boîte aux lettres du service. Monique qui dit « J'ai perdu mon code d'accès ». Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution ou pas? Alors, le mot de passe, nous, on ne les a pas, ça c'est clair. Ça, vous ne l'avez pas. Ça appartient aux contribuables. Ça appartient aux contribuables. Vous n'avez pas accès. Ouais. Tout à fait. Par contre, vous avez sur le site l'option « Mot de passe oublié ». Donc, vous pouvez vous connecter et donc vous cliquez sur le lien, ils vont vous générer un nouveau mot de passe. La date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu donc est fixée au 15 septembre jusqu'au 20 si vous faites en ligne. Vous réagissez au 02 62 99 2000. On en parle ce matin avec les experts des finances publiques. On revient juste après l'info. Alizé Ouarot et Raphaël Chanim Chanjois. Et puis par SMS pour les questions 06 92 70 2000. Il est 11h sur Réunion Première. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour à tous. Il s'est invité à la une de l'actualité depuis hier. Le piton de la Fournaise est entré en éruption dimanche matin. La fissure d'où s'écoule la lave est située au nord du Dolomieu. Cette éruption, la deuxième de l'année, est donc visible depuis le pas de Bellecombe. Il n'y a pas besoin de beaucoup marcher donc pour assister au spectacle. Vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir fait nuit blanche pour monter au volcan. Reportage dans notre prochaine édition. L'intensité de l'éruption a baissé. Cela dit, ces 24 dernières heures, le phénomène est-il toujours actif? Nous poserons la question à Aline Pelletier, la directrice de l'Observatoire du Piton de la Fournaise, sera notre invitée en direct dans le journal de la mi-journée. Et rappelons que tous les accès au cratère sont interdits par la préfecture jusqu'à nouvel ordre. Une piétonne mortellement fauchée par une voiture hier soir à Saint-Joseph. Le drame s'est produit vers 19h30, rue Marius et Harry Leblon. La victime, une femme d'une cinquantaine d'années, se trouvait à proximité de son domicile. Les pompiers et l'équipe médicale du SMUR dépêchés sur place n'ont pas réussi à la sauver. Les gendarmes de Saint-Joseph sont chargés de mener l'enquête. Aujourd'hui débute la fête la plus importante du calendrier musulman. L'Eid al-Adha marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Ce matin, un millier de fidèles se sont rassemblés au vélodrome de Champfleury à Saint-Denis pour prendre part à une prière du matin. Cette cérémonie précède les sacrifices de cabris et de bœufs que les fidèles partagent ensuite avec leurs proches et les plus nécessiteux. C'est la tradition. En sport, 9e et dernière étape du Tour cycliste de la Réunion hier avec une arrivée à Saint-Denis sur le Barachois, étape remportée par Morgane Lamoisson du team Vendée-U. Et c'est un autre coureur de cette équipe qui remporte le Tour, Axel Journiot. Il devance au général Florent Castel-Larnaud de l'Entente Provence et Willy Smith du Road Cover Cycling Team. Avec 4 victoires d'étape, le team Vendée-U rafle logiquement la première place du classement par équipe, une écurie au sein de laquelle on retrouve le Saint-Andréen David Rivière, 5e au général. Nous l'entendrons dans le journal de midi. Et puis en football, le championnat de D1 régional avec notamment hier la jeunesse Saint-Pierroise qui a conforté son avance au classement en battant 3-0 les Portois de la Jeanne d'Arc. L'Excelsior de Saint-Joseph est toujours deuxième mais avec un peu plus de points d'écart en ayant fait match nul 0-0 contre Saint-Louis. C'est dans l'actu, juste après le journal de midi, sera consacré à ce midi à un projet, Claude, qui permet de faire renouer le lien social, voilà, avec la culture et notamment ce projet mené par une troupe lyonnaise à Saint-André. On en reparle juste après le journal de midi, c'est à 12h15. Tout de suite, on fait un point sur l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info à Paris. Aux États-Unis, Hillary Clinton annule ses déplacements de campagne aujourd'hui et demain en Californie. Le médecin de la candidate démocrate à la Maison-Blanche a annoncé hier soir qu'elle souffrait d'une pneumonie. Hillary Clinton, dont la santé est une cible récurrente du clan Trump, avait dû quitter les commémorations du 11 septembre hier après un léger malaise. En France, l'exécutif veut montrer qu'il est bien présent dans le dossier Alstom. Une réunion interministérielle a lieu en ce moment même à l'Élysée. Alstom qui a annoncé la semaine dernière le transfert des activités de son site de Belfort avec 400 emplois concernés. L'État est aujourd'hui actionnaire d'Alstom à hauteur de 20%. Des restrictions d'eau dans 43 départements du Sud et de l'Ouest aujourd'hui à cause de la sécheresse, information France Bleu. Le message est clair, buvez de l'eau mais attendez un peu pour l'arrosage du jardin. Le premier voyage en France du Dalai Lama depuis maintenant 5 ans. Le maître spirituel du bouddhisme tibétain est en visite pour une semaine. Première étape Paris, sans passage à l'Élysée et Matignon. Le Dalai Lama ira ensuite à Strasbourg rencontrer des milliers de fidèles. Il incarne une leçon d'espérance, explique sur France Info le fondateur de l'école occidentale de méditation. Lui n'est pas réputé pour sa sagesse. Hier soir, il a pourtant pris des allures de demi-dieu pour les supporters niçois. Mario Balotelli, auteur de 2 buts pour son tout premier match de foot en France. L'Italien permet à Nice de battre Marseille 3-2 et de rejoindre Monaco en tête du classement. En tennis, l'émotion de Stan Wawrinka au moment de soulever le trophée de l'US Open. Le Suisse a mis 4-7 et près de 4 heures pour battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le temps de ce lundi 12 septembre. Et des matinées qui se suivent et qui se ressemblent depuis quelques jours, un beau temps qui persiste. En revanche, dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les hauteurs de Saint-Denis, à savoir la Bretagne, Saint-François, le Brûlé, la Montagne, et puis il fera très froid dans la nuit de lundi à mardi. La date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu est fixée au 15 septembre. On en parle avec les experts des finances publiques. On profite de l'occasion aussi pour se pencher un peu sur les différents modes de paiement. On verra avec nos experts les démarches à faire pour payer par prélèvement à l'échéance. Comment se fait la réclamation en ligne? Et puis s'il est encore possible de corriger la déclaration en ligne de 2016. Nous venons vous retrouver au standard de la première dans 3-4 minutes. C'est juste après les Bee Gees sur la première. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to share. Breaking Bee Gees en souvenir sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les experts des finances publiques, avant d'avoir Michel des Avirons. Fabrice de Saint-Paul est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, Alizé Ouarou et Raphaël Chanlim-Changeois vous écoutent. Oui, voilà. Moi, je suis toujours sur déclaration papier des impôts. Oui. Ouais. Mais vous devez savoir, le truc finit le 15. Le 15 septembre, c'est ça. Le 15 septembre, voilà. Oui. Mais moi, comme m'a eu un problème sur mon compte. Oui. M'a eu un problème sur mon compte et m'apprend ma carte pour modifier mon numéro de compte parce que quelqu'un t'y prend l'argent sur mon compte. D'accord. Mais comme elle n'a plus de carte, mais vous devez par exemple payer en ligne maintenant. Est-ce que gagner égale, parce que moi pas avant le 20, mais ça gagne ma nouvelle carte. Oui, et puis alors, oui, parce que la date limite pour le paiement en ligne est fixée au 20 septembre, voilà. C'est ça, Raphaël Chanlim-Changeois? Tout à fait, la date c'est prévu au 20, donc pour le paiement en ligne, il n'y aura aucun souci si vous avez votre RIB. Donc, c'est parce que Son relevé d'identité bancaire. Tout à fait. D'accord. Donc effectivement, quand vous avez deux solutions, soit vous allez sur votre compte fiscal et vous réglez en ligne, ils vont vous demander les coordonnées de votre relevé d'identité bancaire. Oui. Et à ce moment-là, vous pourrez faire un ordre de paiement pour régler votre imposition. Est-ce qu'on peut le faire en deux fois, par exemple, en ligne? Alors, en ligne, non, c'est pas prévu en plusieurs échéances. Pour ça, il faut vous connecter sur votre compte fiscal et faire la demande d'un délai de paiement. Mais vous êtes mensualisé ou pas? Non, vous n'êtes pas mensualisé. Vous êtes, d'accord, donc vous êtes toujours aux acomptes. Oui, voilà. D'accord, donc effectivement, il faudra demander un délai de paiement pour régler en plusieurs parties. Et c'est possible. C'est possible. Parce qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Ma question, c'est que, est-ce que, par exemple, là, je suis papier, mais est-ce que, comment faire, par exemple, pouvoir payer en ligne, même s'il faut payer le tout en un seul coup, est-ce que je peux le faire en ligne? Oui, tout à fait, oui. En ligne, il n'y a aucun souci. Du moment que vous réglez... Alors, vous pouvez régler une partie en ligne, ça c'est sûr, mais la deuxième partie, il va falloir quand même contacter votre centre des finances publiques, soit sur votre compte fiscal, soit par mail. D'accord. Pour vous éviter de vous déplacer. Donc, tout en dématérialisé, ce serait bien. D'accord. Bon, après, alors, si vous avez perdu votre carte, etc., vous pouvez avoir un relevé d'identité bancaire. Oui. Il suffit de se rapprocher de son conseiller bancaire et puis c'est bon. Non, okay. On parle sur ma... Oui, votre relevé de compte, voilà. Etc. Ouais. Voilà, d'accord, c'est super simple. Okay. Merci Fabrice. Merci, Réunion Première. merci à vous. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci d'avoir appelé. Il vous reste un gros quart d'heure pour joindre Mathias au 02 62 99 2000. Les experts des finances publiques sont avec nous. On parle des impôts ce matin. Et Michel Desavirons. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais poser une question concernant la taxe d'habitation. Vous êtes vachement à l'avance, alors. Hein? Non, mais c'est parce que j'envisage de louer des chambres, enfin, de sous-louer dans ma maison. Oui. Des chambres. Enfin, oui. Une chambre. Et comment ça se passe pour la taxe d'habitation? Parce que ce sera la même adresse que la mienne. Alors, ce projet, c'est pas pour cette année? Non. D'accord. L'avenir. Très bien. Donc alors si vous avez des pièces, des chambres à louer, hein? Voilà. Voilà. Et comment ça va se passer pour la taxe d'habitation? Oui. Oui. Je voulais savoir si par exemple pour les revenus, est-ce que les revenus du locataire vont compter dans ma taxe d'habitation ou comment ça se passe? Comme ce sera la même adresse. Raphaël Chanlim-Changeois pour répondre à Michel Desavirons. Donc effectivement, les revenus des locataires seront pris en compte dans votre taxe d'habitation si vous n'avez pas fait de déclaration de logement distinct auprès du centre des impôts fonciers. Oui. Donc, d'accord. Parce que vous avez une possibilité, parce que c'est prévu dans les textes, de louer une partie de votre habitation. Mm-hmm. Donc après, il y a des conditions de revenus, de loyer, etc. Donc, qui peuvent en plus être exonérées pour l'impôt sur le revenu. Mais effectivement, la taxe d'habitation, à ce moment-là, elle sera prise en compte sous votre nom, puisque vous serez le propriétaire et les locataires déposeront à l'adresse. Comme il n'y aura pas de logement distinct pour le calcul de la taxe, les personnes seront rattachées sur votre taxe. D'accord, ok. Donc il faut faire des déclarations de logement distinct. Voilà, mais après, rapprocher du centre des impôts fonciers pour avoir plus de renseignements sur ce point-là. D'accord. Ok. Bien, bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt. Nous irons retrouver Thérèse de Petite-Île dans 30 secondes sur la première. 5h, 8h, grand matin sur Réunion Première. C'est l'heure du café. Bonjour. On est ravis de vous accompagner, de faire la route avec vous. On parle plein de vitamines ce matin. Peut-être au pied du lit pour vous ou déjà sur la route. Une très bonne route avec la première. On est dans le même bateau et c'est pour ça qu'on est content d'être avec vous. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette du lundi au vendredi de 5h à 8h sur Réunion Première. Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Thérèse de Petite-Île, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Alizée Waraud, également Raphaël Chanim, chargé des finances publiques sont avec nous. Et vous avez une question, notamment sur la mensualisation. Voilà, je suis donc mensualisée depuis quelques années. Oui. Et je n'ai pas été imposable pour l'année 2015. Et je reçois un courrier où on me parle de réactiver ou de ne pas réactiver. Je ne pense pas être imposable non plus l'année prochaine. Et donc, on me dit, si vous estimez que vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer, vous pouvez résilier votre contrat de mensualisation. Oui, ouais. Mais je n'ai pas envie de le résilier parce que les années à venir, je ne sais pas si je vais être à nouveau imposable. Donc, est-ce que je peux laisser comme ça? Et est-ce que... si je résilie, est-ce que ça a un incident sur mes autres prélèvements concernant la taxe d'habitation et la taxe foncière? Ouais. Question très importante de Thérèse. On est là pour vous rassurer aussi, Thérèse. Hein. Donc, je regarde les experts des finances publiques. Ouais. D'accord. Donc, bonjour Thérèse. Donc, bonjour. Effectivement, donc là, vous avez si vous êtes mensualisé, vous avez peut-être plusieurs contrats. Tout à fait. Vous avez un contrat par imposition. Oui. Donc l'incidence d'un contrat sur un autre, il n'y en a pas. Donc effectivement, si vous voulez stopper le contrat de mensualisation, ça n'interviendra pas sur les autres contrats. Oui. Parce que vous interviendrez que sur un seul contrat. Mais je peux aussi pas le stopper, je peux laisser les choses comme ça. Alors, pour cette année, normalement, sur votre avis d'imposition, ils ont dû vous mentionner peut-être les échéances prévues pour 2017. Oui, voilà. Non, puisque je ne suis pas imposable, si vous n'êtes pas imposable, donc il n'y aura pas de prélèvement qui sera calculé pour l'année prochaine. Voilà, ça ils me l'ont dit. Voilà, si vous ne résiliez pas, donc il n'y aura pas de prélèvement pour l'année prochaine, mais le contrat sera toujours actif. Voilà, parce qu'il me dit, si vous estimez que vous serez à nouveau imposable l'année prochaine, il vous suffit d'indiquer à mes services avant le 30 juin 2017 le montant estimé de votre prochain impôt ou d'effectuer cette démarche sur le service en ligne. Les prélèvements mensuels reprendront dès le mois suivant. Je pense ne pas être imposable encore l'année prochaine. Après, si vous êtes à nouveau imposable l'année prochaine et si vous n'avez pas résilié vos mensualités, le prélèvement de votre impôt sera étalé sur les 3 ou les 2 derniers mois de l'année. Si vous ne souhaitez pas recourir à cet étalement, votre impôt sera prélevé en une seule fois. Donc, au contraire, si vous estimez que vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer, vous pouvez résilier votre contrat de mensualisation. Est-ce que c'est une obligation pour moi de résilier, d'intervenir, ou je peux laisser les choses comme elles sont ? Non, vous pouvez laisser les choses telles qu'elles sont, puisque de toute façon, si vous résiliez le contrat, un avis d'acompte sera automatiquement généré. Après, si cette année, vous n'êtes pas imposable, l'avis d'acompte sera zéro pour l'année prochaine. Et quand je serai à nouveau imposable, ça reprendra. Ça reprendra, mais il faudra quand même que vous vous signalez, puisque comment on marche avec... Il faudra faire le voilà. Voilà, il faudra que vous estimiez vous-même votre imposition, votre montant d'impôt pour recalculer le montant des échéances. Parce que comme ils vous ont dit sur le courrier, comme vous étiez non imposable, l'année où vous serez imposable, de janvier à juin, vous n'aurez pas de prélèvement. D'accord, ça reprendra quand? Ça reprendra en septembre et ce sera étalé sur septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord, c'est tout à fait, c'est ce qu'ils me disent. Ok, d'accord. C'est merci. Bon, Thérèse ? Merci, messieurs. Bonne journée. Bonne merci journée. À vous. À très bientôt. Nous merci. Irons tout à l'heure à la Plaine des Palmistes retrouver Philippe pour une question notamment sur l'impôt, sur le revenu. Et là, il souhaite aussi parler de la taxe foncière. 02 62 99 2000. Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Que le temps qui court, court, court, change les plaisirs et que le manque d'amour nous fait vieillir. À l'heure qu'il est, mes voitures de plastique sont devenues. Qui court, c'est signé Les Enfoirés sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alizé Waro et Raphaël Chanim Changeois sont les experts des finances publiques sur Réunion Première. Jusqu'à 11h30, il vous reste très peu de temps pour contacter Mathias au standard au 02 62 99 2000. Philippe est avec nous, Philippe de la Plaine des Palmistes. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors, une question pour les experts ? Oui, tout à fait. Voilà, j'explique mon cas. J'ai une maison, plutôt un local commercial, et j'ai eu un locataire qui m'a pas payé mes loyers pendant X temps. Oui. Et donc là, ça fait la troisième année où j'ai aucun revenu de ce local-là. De ce local commercial, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et je voudrais savoir comment faire. Est-ce que je peux Comment faire pour ne pas payer la taxe foncière? Comment faire pour ne pas payer la taxe foncière, sachant que depuis combien de temps exactement? Ah, ça fait au moins 3 ans que je... Depuis 3 ans. Les deux autres années, j'ai payé, il n'y a pas eu de souci, malgré que je n'avais pas de revenus. Mais là, bon, je voudrais savoir, parce que ça ne me rapporte rien. Là, je suis en perte totale. Et donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour que je sois exonéré de taxes foncières Oui, alors donc, avec un local qui est en location, mais depuis 3 ans, il ne perçoit plus de loyer, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est bien Philippe. Ça. Philippe, et alors que jusqu'à maintenant, vous continuez à payer la taxe foncière? Je continue à payer, mais là, bon, ça devient de plus en plus difficile. J'ai presque plus de sous. Je suis en perte sèche par rapport à cette location, hein, où je ne reçois rien, quoi. Les experts des finances publiques pour répondre à Philippe Alizé Waro. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc malheureusement chez nous au niveau des impôts la taxe foncière est toujours due même si vous ne percevez pas de loyer. Oui. Par contre après vous pouvez vous rapprocher d'un centre des impôts pour voir s'il n'y aurait pas des facilités de paiement à vous accorder pour régler cette taxe. D'accord. Mais il n'y a pas d'exonération. Il n'y a pas d'exonération sur la taxe foncière alors? Non. D'accord. Dans votre cas, là, non. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. C'est ok, vous avez apporté la réponse. Et je voudrais poser une toute dernière question. Bien sûr, mais allez-y. Allez-y, Philippe, il n'y a aucun problème. Ça concerne les impôts en général. Vous savez qu'au mois de décembre, il y a les fêtes, il y a Noël, tout ça. Je ne comprends pas pourquoi les impôts nous sortent, comme monsieur a dit tout à l'heure, nous sort l'impôt sur le revenu au mois de septembre, la taxe foncière au mois d'octobre et la taxe d'habitation au mois de novembre. Oui, donc, alors là, vous parlez du calendrier fiscal, oui. Mais juin, juillet, où c'est des moments où plus calme, où il n'y a pas de fête. Quoi. Si j'ai bien compris aussi, c'est que vous n'êtes pas mensualisé. Non. Mensualisé, mais bon, avec tous ces impôts qui tombent. Moi, s'il faut payer les impôts, je paye, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est peut-être pour une grande partie des contribuables, ce serait peut-être bien d'avoir ça qui tombe plus tôt, mai, juin, juillet ou avril, mai, juin, quoi. Raphaël Chanim Changeois, oui. Ça va être un peu compliqué de remodifier tous les calendriers. Donc moi, la seule solution que je vous propose, c'est de vous mensualiser. Effectivement, ça vous facilitera justement les dernières échéances, puisque vous aurez qu'un dixième chaque mois. Donc après, normalement, au mois d'octobre, vous avez tout réglé. D'accord. Mais alors, jusqu'à maintenant, en fait, votre déclaration, vous ne faites pas en ligne aussi? Non, j'ai un comptable. J'ai un comptable. Ah, oui, d'accord. Pour moi, il fait en ligne pour moi. Mais le souci qui se pose, si j'entends souvent des amis autour de moi, je dis, ouais, c'est ennuyant, le mois de septembre, octobre, novembre, on paye. Oui, j'ai bien compris aussi. Et, ouais. Donc je pose un peu la question pour eux. Quoi. Merci d'avoir posé la question pour eux, Philippe. Merci à vous. Okay. Merci, au revoir. À bientôt sur Réunion Première. La question de notre auditeur, et notamment par SMS, qui dit que j'ai acheté un terrain il y a plus d'un an, et notamment il est toujours en travaux sur sa nouvelle construction, il a la taxe foncière à payer, mais on lui dit que, notamment, que s'il est toujours en travaux, enfin si sa maison est toujours en construction, il n'a pas à payer la taxe. Alors, un faux ou un tox pour répondre à l'auditeur? Raphaël Chanim, Changeois. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir regarder tout d'abord sur l'avis d'imposition, sur quoi l'imposition porte, si c'est sur du non-bâti ou si c'est sur du bâti. Donc, effectivement, si c'est un terrain, donc ça pourrait être sur du non-bâti. Donc là, après, c'est normal, parce que c'est prévu comme ça. Donc, il y a une taxe foncière qui est établie pour le non-bâti. Ensuite, si c'est sur du bâti, il faudra qu'il se rapproche auprès du centre des impôts fonciers pour effectivement regarder si l'imposition est correctement établie. Puisque effectivement, s'il est sur du non-bâti, il a dû déposer soit un permis de construction, il a dû faire ses déclarations à la mairie. Oui. Et ensuite, à la fin de la construction, il aura à déposer la déclaration d'achèvement des travaux. Donc c'est uniquement à ce moment-là où le calcul du bâti. Seulement à ce moment-là. Où le calcul du bâti pourrait être établi. Puisque la situation au 1er janvier, donc là pour 2016, donc au 1er janvier 2016, on va regarder la situation du local. Donc s'il n'y a pas de local, il ne doit pas être imposé sur du bâti. Alizé Waro, si on peut rappeler les trois solutions, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, les trois solutions de paiement. Alors, on connaît le prélèvement mensuel. Oui, alors il y a le prélèvement mensuel qui est un paiement... Alors, on peut rappeler aussi les avantages. Hein. C'est un paiement 10 fois, donc de janvier jusqu'à octobre. Octobre, oui. Vous pouvez adhérer donc du 1er janvier au 30 juin pour l'année. Ouais. Et à partir du 1er juillet, c'est pour l'année suivante, par contre. Hein. Donc ça, c'est pour le prélèvement mensuel. Après, vous avez le paiement direct en ligne. Voilà, le paiement direct en ligne. L'avantage, c'est que vous êtes prélevé 10 jours après la date limite de paiement. Et vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 5 jours pour payer. Et le prélèvement à l'échéance. Et le prélèvement à l'échéance. Donc vous ne risquez plus d'oublier de payer vos impôts. Le prélèvement, pareil, ça intervient 10 jours après la date limite de paiement. Et voilà. la date limite pour le paiement de l'impôt sur le revenu est fixée au 15 septembre. Et vous disposez d'une rallonge de 5 jours si vous faites en ligne, donc jusqu'au 20 septembre, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Merci beaucoup les experts des finances publiques, Alizé Waro et Raphaël Chanim-Chinjois. Je vous dis à très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. La réunion.

De la Vega sur Réunion Première. Tout à l'heure, à 12h15 sur Réunion Première avec Philippe Dornier. Il sera question c'est dans l'actu de la culture au cœur du lien social, pardon. Samedi prochain, un spectacle associant danseurs professionnels et habitants complices aura lieu au Carré Fayard à Saint-André. Lieu d'être est un projet mené par une troupe lyonnaise et qui permet de rapprocher les personnes du quartier. Vous allez pouvoir réagir tout à l'heure de 12h15 à 12h45. C'est dans l'actu au 02 62 99 2000. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non, pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autres amis comme toi. Comme toi. We'll be right back. découvrir. Mais danse autour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi. Stefanich, et puis en parlant de Suisse, Stan Wawrinka a remporté l'US Open en battant Novak Djokovic. S'il vous plaît, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Il est midi moins le quart sur la première. 8h, 10h, la Coljac avec Jackie Revel. À l'émission des Sinous de Terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les devant ma route à l'âge. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La Coljac avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Première. Les mains nous font toujours comme avant. Comme avant. Vivons dans notre amour tous les deux. Vive notre amour dans simplicité. Vivons dans notre amour tous les deux. Vive notre amour dans simplicité. Les mains nous font Emma nous font toujours comme avant. Emma nous font tout le temps. Emma nous font toujours comme avant. Comme avant. Comme avant. Vous écoutez Réunion Première, il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Lechâne et Pavielle Marie-Gilberte Augustina. Madame Lechâne et Pavielle Marie-Gilberte Augustina, décès survenu à l'âge de 73 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 19 rue Antonin Lambe à Camp-Magloire à la Possession. Pour demain mardi 13 à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de la Possession à 15h, l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Monsieur Grondin-Simon, survenu le 11 septembre à l'âge de 57 ans. Monsieur Grondin-Simon, le convoi sortira de son domicile 640 chemin Stéphane à la Ravine des Cabris. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de la Ravine des Cabris à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Grondin-Roland Jean-Baptiste. Monsieur Grondin-Roland Jean-Baptiste, décès survenu à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 16h15 au numéro 2088, à la route des Fleurs, à Beaumont, dans les Hauts-de-Sainte-Marie. La bénédiction se fera à 17h en l'église de la Ressource à Sainte-Marie. L'inhumation suivra au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Monsieur Gossard Max Edgar, dit Monsieur Max. Monsieur Gossard Max Edgar, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au 39 ruelle voisin à la rivière du Mât, donc les Bains Saint-André. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de Chamborne à Saint-André à 15h30. L'inhumation au cimetière de Chamborne à Saint-André. Décès de Monsieur Waro Elio. Monsieur Waro Elio, décès survenu à l'âge de 71 ans. Le domicilio numéro 1617 avenue Île-de-France à Petit Bazar à Saint-André. La veillée se fait à son domicile. Le convoi sortira du domicile, suivi de la bénédiction religieuse à Saint-André-Ville aujourd'hui à 15h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Monsieur Romain Jean-Marc. Monsieur Romain Jean-Marc, décès survenu à l'âge de 70 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima à Saint-Denis. La bénédiction se fera au centre funéraire de Prima aujourd'hui à 14h. La crémation au centre funéraire de Prima à 14h30. Décès de Monsieur Rivière-Georges Marcel. Monsieur Rivière-Georges Marcel, décès survenu donc à 80 ans, la veillée se fait à son domicile au 13 rue Eugène Daillot au port. La bénédiction et l'inhumation, la date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Gopal Gislaine, née Romilly, épouse de Monsieur Gopal Hervé. Madame Gopal Gislaine, née Romilly, épouse de Monsieur Gopal Hervé, décès survenu à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de son domicile au 2 rue Martin Flacourt à Sainte-Marie. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Marie à 16h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Monsieur Rindiou Rémy. Monsieur Rindiou Rémy, décès survenu à l'âge de 55 ans. La veillée se fait au domicile au 14 chemin des Mamosas à la Ravine des Cabris. Le convoi sortira du domicile demain, donc à 8h15. La bénédiction se fera en l'église de la Ravine des Cabris à 9h. L'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Téchard Joseph Francis. Monsieur Téchard Joseph Francis, décès survenu à l'âge de 82 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. C'est aujourd'hui, après la bénédiction, donc au centre funéraire de Bois-Rouge à 13h. L'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Le décès de Monsieur Richard Jean. Monsieur Richard Jean, décès survenu à l'âge de 58 ans. La veillée se déroule chez lui au 810 route départementale à Grand-Ilette à Salazy. La bénédiction aura lieu aujourd'hui en l'église de Grand-Ilette à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Grand-Ilette. Le décès de Madame Trill, Valentine. Madame Trill, Valentine, décès survenu à l'âge de 50 ans. La veillée se déroule chez elle, au 23 chemin des Glaïeuls, à Bras-Pistolet, à Sainte-Suzanne. La bénédiction se fera en l'église donc de Sainte-Suzanne, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Suzanne. Décès de Madame Dallot, née Boyer Andrea, décès survenu à l'âge de 77 ans. Madame Dallot, née Boyer Andrea. Le convoi sortira du domicile au 547 route nationale Bois-Blanc à Sainte-Rose. C'est aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Rose à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Veolia Eau qui informe les abonnés, notamment les clients de la commune de La Possession, qu'en raison des travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue demain. C'est à partir de 9h. Si vous habitez les secteurs suivants, sur La Possession, chemin Barouti, la rue Ho Chi Minh, partie haute, et la rue Jean Inglot. La remise en eau est prévue à partir de 15h, donc mardi 13, c'est pour demain. Sudéo qui informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph que suite à des travaux de raccordement sur le réseau, la distribution en eau, on vous rappelle parce que c'est aujourd'hui, lundi 12, sur les secteurs suivants, donc ne soyez pas étonnés, c'est dans la rue Aimé Turpin, la rue Eugène Michel, la rue François Truffaut, la rue du Labrador, la rue Jean Barthes, la rue Aimé Lebon et toutes les voies adjacentes. Et puis les collectes de sang de l'EFS, l'établissement français du sang, pour demain mardi 13 septembre. C'est à la médiathèque de Saint-Benoît de 8h à 12h30. Et puis au CHU de Saint-Pierre, c'est de 10h à 14h. Dans 4 minutes, le journal de Réunion Première présenté par Antoine Garnier. Que m'y avance, mi calculpé derrière, mi ça saisit mon chance. Le Catherine y en veut, lui veut réaliser son vœu. Nina toujours un tel pour allevier. Jalousie pourrit mon vie, pas moyen avancer. Souple, arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. La jalousie pourrit mon vie, pas moyen avancer. Souple, arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. Disant mi chante, mi fait un peu plus. Mi fait plus d'accord, mais c'est que mi fait plus d'efforts. Ou connaît pas moi, mais ou juge à moi. Quand ou réussit, ou les contents pour moi. D'ailleurs, ou occupe pas moi. Moi la bataille pour gagner. Laisse à moi vivre un paix, mi demande la paix. La jalousie pourrit mon vie, pas moyen à. Arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. La jalousie pourrit mon vie, pas moyen avancer. Souple, arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. La jalousie pourrit mon vie, pas moyen avancer. Souple, arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. La jalousie pourrit mon vie, pas moyen avancer. Souple, arrête, occupe un peu, laisse-moi respirer. Demande la paix.